Bonsoir, bonjour, bienvenue dans le secret du son d'abat avec DJ Melon avec nous ce soir. Salut Grégoula. Et avec David à la technique, bienvenue en 2012 avec une nouvelle série d'émissions, avec ce soir une émission un peu classique. On va découvrir pas mal de nouveaux artistes et on commence tout de suite par la venue en Pays de l'Orient au mois de mars de Niveau Zéro. Alors on s'en fait une tranche avec son dubstep qui tape bien, Niveau Zéro le 10 mars donc au manège. On écoute tout de suite Niveau Zéro avec tiré de l'album Insect. Then came the strangers. They were a race as old as time itself. They had mastered the ultimate technology, the ability to alter physical reality by will alone. But they were dying. Their civilization was in decline, decline, decline, decline. Was in decline. Niveau zéro dans le secret du son d'Abba avec le morceau First tiré de l'album Insect, c'est bien ça mon cher Rigoula? Ouais, sorti en 2010 sur voilà. Ad Nauseam. C'est pas une nouveauté, par contre la nouveauté c'est que il y aura du dubstep au manège. Wow. Et ça nous fait plaisir. Ouais, ça va être chaud d'ambiance avec un album qui avait marqué un peu les esprits sorti chez Ad Nauseam, où on retrouve des gens qu'on connaît bien par ici, entre autres il y avait Ben Sharpa et Broken Note sur cet album là. Il y avait un remix de sur l'album de Niveau Zero par Broken Dawn qui vaut le détour. C'est le gang des musclores un peu du dubstep européen. Voilà, bah c'est cool parce que c'est le 10 mars avec Tambour Battant au manège à Lorient, une date à vraiment pas rater. Ils jouent aussi à Rennes, j'imagine qu'ils jouent à Brest. C'est l'occasion de les croiser dans l'Ouest et de pas rater une belle soirée électro. Voilà, on poursuit en électro d'ailleurs. Allez, c'est parti. Avec Bytone, c'est une presque une nouveauté sortie en fin d'année 2011 chez Raster Noton, une des écuries qu'on suit maintenant de longue date, hein, qu'on apprécie tout particulièrement, basée à Berlin. Ça y est, Greg, j'ai parlé de Berlin. Ah oui, ça y est. T'es rassuré. En 2012, on a mis moins de 5 minutes. Voilà. L'album Simeta, c'est le troisième. C'est quelqu'un qui prend son temps. Trois albums en 8 ans, c'est pas excessif. Toujours dans un esprit entre électro et techno grésillante, vraiment c'est un des historiques, un des piliers historiques du label, donc vraiment la musique de Bytone, c'est l'image du label, c'est aussi Olaf Bender qui se cache derrière Bytone, c'est aussi l'image graphique du label puisque c'est un des principaux graphistes du label, ce côté très très épuré avec des formes abstraites et très réduites à l'essentiel. Mmh. Anguleuse. Que j'aime beaucoup, moi. Voilà, donc on va s'écouter une tranche de cet album sur vinyle. C'est le morceau Black Peace avec un petit côté Suicide que moi j'ai bien apprécié. On s'écoute ça. We'll be right back. Orcs. Pas facile à dire ça, mon cher Greg. Hein. On va en avoir d'autres, des groupes avec des noms difficiles à prononcer. Ouais, c'est difficile, mais voilà. C'est sorti chez Hans Production. C'est Hans Production, je te disais en antenne, c'est un peu la maison d'en face par rapport à chez Anzen. Un peu les mêmes propos, un peu les mêmes velléités entre IDM, Rhythmic Noise, avec des débuts très... Background industriel. Très industriel, ouais. D'office. C'est le cas de ce duo, initialement un trio, c'est Christina Seeley et Richard Oddy. Donc ça sort en 2011, l'album s'appelle Radiotherapy, on s'est écouté le morceau Tensile. Je l'ai programmé évidemment derrière Bytone parce qu'on est dans le même état d'esprit, la même manière de travailler les ondes, de travailler les vibrations, de travailler les grésillements, avec un côté peut-être techno plus affirmé. En ce qui concerne Orft, c'est, pour le coup, c'est un groupe qui est vraiment au départ très très indus, très rhythmic noise. Alors à l'époque, moi, dans le milieu des années 90, quand on a commencé à voir ce nom-là, j'étais pas passionné. Il faut dire qu'il y avait pléthore de groupes qui creusaient la veine initialement découverte par Splendor Geometrico ou Dive. Et de Converter à Winterkalter, en passant par H et tant d'autres, il y avait vraiment, vraiment l'embarras du choix avec pas mal de bons trucs. C'est vrai que j'étais passé un peu à côté. Et puis là, grâce à un DJ là de Seattle que je suis depuis quelques temps, qui s'appelle DJ Oblique, c'est vrai qu'il m'a remis sur la piste de ce duo. Et leur album, Radiotherapy, est vraiment très, très chouette dans un esprit voilà, techno-grésillante, on va dire. Un peu à la mode Ancient Method qu'on avait aussi eu l'occasion d'évoquer il y a peut-être quelques années à force dans le secret du son d'avant. Voilà, le temps passe. À noter que Orc sort aussi des disques sur le label new-yorkais Sonic Groove, label de Adam X, une des vieilles pointures de la techno américaine. Donc voilà, ils sont toujours dans la place et agréable à écouter et agréable à danser évidemment. Ce serait avec beaucoup de bonheur que je, si je pouvais aller écouter ça. Si on pouvait entendre des dancefloors qui jouaient ça à moins de 300 km, moins de 500 km, ça serait cool. C'était Orcs. Dans le secret du son d'abord, on change un petit peu d'esthétique musicale, voire radicalement même, et ça vous le savez. C'est la particularité de l'émission. On part avec Peter Kernel. Peter Kernel, c'est ce trio canado-suisse qui a pondu en cette année 2011, fin d'année 2011, leur deuxième album, c'est le White Death Black Heart, sorti sur African Tape. Et c'est vrai qu'au début, à la première écoute, on a l'impression d'avoir déjà entendu ça beaucoup de fois sur ce indie rock un peu indépendant entre les influences poppy de Blonde Redhead. Les petites accroches noisy de Sonic Youth. Oui, bon, c'est clair que ça fait cet effet là, mais voilà. Il faut aller plus loin. Et puis ouais, il faut aller plus loin. Et puis il y a cet arpège un peu, c'est ce truc un peu travaillé, un peu emo pop que moi j'aime beaucoup au début de Karaté. Et puis c'est génial, le groupe belge qui s'appelait Reisiger. Ah ouais, excellent, effectivement. Et donc Peter Kernel, ils sont vraiment à la croisée de ça. Et on va écouter un extrait, l'un des tubes qui ouvre l'album. Ce très très bon album qui est un peu mûri en bouche en fait au fil des semaines fin 2011 et début 2012 et qui vraiment est assez tubesque, je trouve, et vraiment une très belle réussite dans le genre, et sans être passéiste, et je le trouve vraiment dans le ton du moment. On écoute Peter Kernel dans Secret du son de bas. We don't care about having something fast, making something last, building up our past. We don't care. We don't care about parties, drugs, fashion, girls, power, people, melody. We don't care. We'll be right back. On avait Orcs tout à l'heure, maintenant c'est Ors. T'as vraiment les noms, oh là là. Qui veut dire, bah j'ai appris, moi je savais pas vraiment que ça voulait dire pute. Un américain. Voilà, ils sont d'Atlanta et c'est un trio. Ils viennent de sortir un 12 pouces terrible, 5 titres. Hein, qui, rappelle-moi le label. Brutal Panda, sorti fin 2011. Ça c'est bon. Et pour ceux qui ont écouté de la bonne vieille noise dans les années 90 et qui ont eu la chance, comme moi, de voir Bar Market, bah, vous, ça fera penser évidemment au génial trio de New York, emmené à l'époque par le génial David Sardi, grand producteur américain qu'on connaît pour les prods d'Elmed, de Cop Shoe Cop, puis après des Red Hot, etc. Il y a un petit côté Unsane aussi, on dirait. Hein. Voilà, il y a un petit côté Unsane. Forcément. Voilà, un petit côté donc Bar Market, évidemment, Helmet. Mais aussi un petit côté Torch sur un autre morceau, lors des moments un peu plus calmes, on va dire. Attends, on l'a écouté hier, je sais pas où tu les as vus. Oui, tu sais, quand ça devient un peu langoureux, quand il laisse traîner un peu la patte. Le quatrième titre, ouais, si voilà. Je me souviens. Donc, vraiment, un très très chouette EP pour le moment. Et voilà, qui est à se procurer au plus vite. Vraiment, c'est chaudement conseillé pour tous les fans un peu de noise rock. Pas tout de suite, on les verra, j'imagine, en Europe. Mais par contre, on parlait de juste auparavant de. Voilà, on revient sur Peter Carnell. Peter Carnell, eux, ils seront bien dans l'ouest de la France au printemps, les 4 et 5 avril à Nantes et à Rennes. Je pense qu'il faudra pas les louper. Ils seront à Nantes au Stakhanov, le nouveau bar concert à Nantes, et au Jardin Moderne. À Rennes, voilà, 4-5 avril, Peter Carnell. Pardon, j'ai les renvois de pâté. Peter Carnell. Bah oui, c'est une grande aventure, le secret du son d'abord. Et donc, voilà, donc c'était vraiment très bien. On continue. On reste dans l'ouest, on reste dans le pâté. Et on reste à Lorient. C'est pas forcément le pays du pâté, hein, Lorient. Plutôt le pays des merlus, évidemment. Et donc, on va parler de Magnetix, ce duo rock garage de Bordeaux, français, donc signé chez Born Bad. Ils viennent de signer leur deuxième album qui s'appelle Drogue Électrique. Voilà, et c'est un très bon album de garage, assez varié, comme ils savent faire, c'est-à-dire vraiment avec plein d'influences et toujours bien mené, avec des morceaux en français, avec des chouettes textes, comme on va pouvoir l'entendre, et des morceaux plus en anglais, vraiment avec une dynamique vraiment intéressante. En concert, c'est plutôt pas mal, moi j'ai déjà vu 2-3 fois, rien d'extraordinaire, mais c'est assez droit, hyper efficace. Ils seront avec The Disciplines en concert au manège à Lorient le 25 février, samedi 25 février, le même soir que Kate Mod et Kileza à Quimper. Voilà, le choix va être difficile. Cornélien, voilà. Entre le garage rock de Magnetix et le metal hardcore de Kileza et de Kate Mod. On écoute donc tout de suite un extrait de Magnetix avec le morceau Comme des bêtes. Moi c'est rien pour toi, plus qu'un coup de fric, plus qu'un analgésique. C'est une obstination, fixer le savoir-vivre. Et tu respires en somme, au centre d'un crâne vide. Tu me dis qu'il me reste, ou plus rien pour passer. Je reste sans savoir, une réalité. Une électrocution, l'on ne peut que dire. Ce n'est pas la peine, on peut s'attendre au pire. Ça changera notre avenir. Amant à l'âme grise, regarde l'horizon, funèbre dans le mille. Et c'est cette tension qu'on a ce qui reste. lâchés comme des bêtes. Ce qui changera notre avenir. Bien qu'il reste en son pouvoir, juste pouvoir être libre comme des bêtes, à ne plus réfléchir dans un espace où on peut crever en paix. Comme des bêtes, comme des bêtes, comme des bêtes, comme des bêtes. The Men dans le secret du son d'Abba. The Men, les petits gars de Brooklyn, voilà, qui ont sorti leur deuxième album courant 2011, qui s'appelle Leave Home, sorti sur Sacred Bones Records. Et ils seront de passage dans l'Ouest le 15 février à Poitiers, le 16 février à Nantes et le 17 février à Saint-Malo pour la route du rock d'hiver. Un album vraiment, vraiment plutôt réussi, avec des influences très marquées, Noisy là, avec ce morceau très shoegaze qui ouvre cet album. Mais avec aussi des influences plus marquées, punk, garage, sur d'autres morceaux, voire hardcore. Des fois, ça m'a fait penser à une sorte de Black Flag, plus rond, qui aurait bouffé du shoegaze, qui aurait écouté Ride. C'est un peu étonnant. Et en tout cas, vraiment, c'est vraiment une belle machine, ce The Men. On va pas en faire des tonnes, mais j'aimerais bien les voir en concert. Alors n'hésitez pas, je pense que ça vaut son coup d'oreille. On poursuit et on retourne à l'électro. Oui, en quelque sorte, on va un peu partir vers la scène, on va traverser les États-Unis, on va aller sur la côte ouest, on va un peu partir à la scène, bien que ne soyons pas affiliés à Not Fun, mais un peu cet esprit-là, poussiéreux, tristounet un petit peu, gothique, l'électro, New Wave, gothique. Ouais, plutôt New Wave, pas trop gothique, plutôt New Wave, mais de la New Wave faite au fond de la cuisine, tu vois. Avec un New Wave bricolo, enfin vraiment cet esprit là, c'est pour ça que je pensais à Not Fun, à des choses comme LA Vampires, tu vois. Mais alors il s'agit de Tropic of Cancer, qui est un duo donc basé à Los Angeles, je l'ai dit, qui sort des disques par contre en Europe, et du côté de Birmingham, figure-toi. C'est c'est comme ça que j'ai été conduit vers leur petite cancer production. avec des disques que nous avons tous. Voilà, avec des disques produits par le label Blackest Ever Black, dont on a parlé il y a quelques temps, et puis aussi sur Downwards, le label de ton ami Régis, Carl O'Connor, alias Régis, mon cher Grégoula. Là, on va s'écouter donc le EP Be Brave, avec Be Brave dans sa version originale d'un côté, Be Brave dans sa version remixée par un certain Richard Kirk, moitié ou tiers, selon les époques, de Cabaret Voltaire. Hein, donc voilà, ça a sans doute plu, le côté bricolo a sans doute plu à Richard H. Kirk, qui nous en a fait quelque chose de... Il a gardé le côté hyper hypnotique, hyper entraînant. Un seul motif, c'est parti pendant 6 minutes, vous allez voir, c'est ou chiatique ou on grimpe sur la table. À vous de voir, c'est parti. Enlevez la nappe. Et ouais, mon cher Rigoula, c'était bien un remix des Checha Boys, les rois du C-beat, du Shangaan électro, 5 et demi parfois, du Shangaan électro sud-africain, qui un petit peu sur le mode du célèbre Mujava, d'ailleurs dont on n'entend plus beaucoup parler ces jours-ci, commence à se faire remixer, et les gars commencent à se faire remixer, je dirais pas à tour de bras, mais enfin on est au deuxième maxi de remix sorti par le label londonien Honest John. Et alors ce maxi, qu'on vient de s'écouter, c'est un 2 titres avec sur une des deux faces, Ricardo Villalobos et Max Loderbauer, pardon, qui reprennent le fameux Nwab Funda là, des Checha Boys. Et puis on s'est écouté Peverlist à l'instant de Bristol, qui lui effectivement a copieusement épuré pour faire place à son électro dubstep matinée de garage là, comme il sait faire. C'est vrai qu'on reconnaît moins l'original, mais bon, à titre personnel, c'était le morceau que je préférais des deux, même si ce maxi vraiment est excellent. Et puis donc, il y a au moins un autre maxi disponible chez Honest John. On en attend d'autres. Hein. Bah, on en espère, pourquoi pas d'autres. Ouais. Deux mots sur Peverlist, c'est Tom Ford de Bristol, donc qui s'occupe du label Punch Drunk, et je vous encourage à aller découvrir son univers. Il y a notamment un excellent EP qui est sorti sur un autre label, SL Audio, en 2011, qui s'appelle Dance Till the Police Come. Et puis il y a eu pas mal de maxi divers et variés sur Punch Drunk, évidemment, son propre label, et aussi ailleurs, je crois Skull Disco notamment, ou Tectonic. Un mélange de justement techno, de dub un peu old school, de dubstep, de garage UK, voilà, c'est assez savoureux, toujours des sons clairs, très très aérés, assez épuré, plutôt guinchant, hein, voilà. Moi j'aime assez, et je vous encourage à découvrir. On reste dans des trucs assez cool pour terminer cette émission. On part pour la planète hip-hop avec une confirmation, c'est le talent de cet match, les 4 gars de Montpellier, Bunk, Factice, Paz et Didi Vibes, qui avait sorti déjà un premier album en 2010 qui s'appelait Comme chez toi ou je sais plus comment, bref, un truc comme ça. Viens boire un coup à la maison. Ouais, c'est un peu ça, quoi. On sortit à l'automne 2011 un nouveau EP qui s'appelle Cet automne, comme ça, voilà, on se plante pas. dessus, ils poursuivent un petit peu de renouveler, de donner un petit coup de dépoussiérant sur le hip-hop français. Qui en a bien besoin. Qui, semble-t-il, en a bien besoin, dit Monsieur Melon. Et donc, retour 7 titres, 6 invités. C'est un avis personnel, mais je le partage. Et là, on va écouter un extrait, un morceau qui s'appelle 10 grammes de swag avec Dadou de Toulouse et Billy Bats. Et c'est une prod Hudson Mohawk. Donc, c'est pour vous dire que les gars, ils sont bien ouverts d'esprit. Hudson Mohawk qui a sorti deux super 10 sur Warp. Et on écoute directement ce 7 et match dans le secret du son d'Abba, parce que peut-être qu'un jour le hip-hop français va revenir. Yeah. Michael Jackson is back, I'm a motherfucker. Trop de peine pour ceux qui n'ont pas prévu mon retour. Sont yeah. Comme George Bush qui apprend pour les deux tours. Je vais les fracasser beat bass puis les smatcher comme un Spalding. Yeah. J'ai le cœur dans la poche et les calaches sous la poitrine. J'suis comme une bougie que t'as oublié dans une chambre vide. Plus tu t'éloignes et plus je me mets à tout cramer. J'ai des vannes aux pieds car je skate sur les MC. Des rébans sur le nez car j'ai le flow d'un pilote. Tu vas chialer sur tes feutrines, va te moucher bomboclat. J'suis MC galactique, t'es cosmonaute en vitrine. C'est ton jour de sortie par l'issue de secours. T'es trop long pour la légende et pour le flow, t'es trop lourd. Cut, mais qu'est-ce qui me fout ce beatmaker? Renvoie le son, brûle tes bijoux de mauvais player, mauvais payeur. meilleur. Player poops dans la Russe meilleur. Je suis de retour vers le futur, toi tu brûles tes heures. Dadou Bunk, Billy Bat, c'est ça sans crédit card. Vas-y, clique, c'est ma zig, c'est du sûr. Télécharge, c'est le sud, héritage que du pur. Les civages sans les commentaires parisiens comme ça pue. C'est bizarre, il se glisse dans tes cheveux. Ce petit air, le Mistral coulé terre-terre juste pour faire taire le bizarre. Yo, ce feat, c'est le choc des générations. Le sommet, le G3 du sale sud. Plus de succès que de monnaie, vraiment trop chaud, c'était match. Tu peux donc enlever tes sapes, enlever tes bijoux, tes petits sous-vêtements non sans gris et des tables. Je veux conserver les manettes, observer les facettes des types d'en face avant de procéder au racket. Quelques oréos et canettes, que c'est beau la vie. File-moi ton IP, que je devienne ton ami. Je fixe les règles, ouais, faut me laisser faire. Alors écoute-moi, bouge tes fesses, car jusqu'à haut la corde est raide. J'ai le bras droit de Cobra, régular et mon collage. Billy dans le game, c'est Hezbollah à la recherche de la fraîche. Ne parle pas du S$, juste un peu de verte et je m'envole sans elle, connard. L'insulte est facile, gratuite. Je mets le hola, gravite autour du globe, résultat d'une supernova. J'ai le regard de droupie, je marche avec mes droogies. Si elle est dans mon pieu, c'est qu'elle a les fesses trop larges. Ma vie est un polar horrible, chaque rime est un cliché sorti d'un polaroid. Certains sont prêts à se vendre juste pour la monie. Moi, je suis du genre à me vendre juste pour le comique. L'atmosphère est comique, estomac d'alcoolique. C'est un mélange de Jack Daniels et de gin tonic. Je prends ma carrière en main, n'attends pas qu'elle démarre. Fake music est dans le jeu, c'est des matchs, Electronic Bats. Like pork pies and eat things like see things like others don't. Maybe cause you're by my side, round and round we go. When's it gonna stop? I ain't been paid and I ain't got a lot, but it's us against whatever, baby. Us against whatever, baby. Round and round we go. When's it gonna stop? I ain't been paid and I ain't got a lot, but it's us against whatever, baby. Us against whatever, baby. I swear. Ghost Poet dans Le Secret du Son d'Abba avec le morceau Us Against Whatever Ever sur l'album Peanut Butter Blues and Melancholy Jam. Wow, c'était une des bonnes surprises, je sais pas si c'est le mot, en tout cas une des bonnes sorties anglaises en hip-hop avec le Scroobius Pip qu'on s'est fait l'autre jour pour l'année 2011. C'est vrai que là on remonte quasiment il y a un an puisque c'était vraiment plutôt début 2011 que c'était paru, mais c'est vrai que le public français l'a plutôt découvert, les Happy Few qui étaient du côté du Parc Expo des Transmusicales 2011. Sorti par Bronzewood, je crois, le nom du label, Bronzewood Recordings, le label de Jill Peterson, un des grands pontes de la soul et soul, funk, hip-hop, world, etc. De ce savant mélange global, comme savent le faire les Anglais, du côté de Londres. Voilà, donc pas énormément de choses de plus à dire. C'est vrai qu'il commence à avoir sa petite aura. Tranquillou, le père Ghost Poet. Il sera en tournée là aussi au printemps, fin d'hiver ou printemps dans le Landerneau Ouest. Il passera entre autres au Confort Moderne à Poitiers. Je pense qu'il doit y avoir d'autres dates qui traînouillent par là. En tout cas, ça serait surprenant. En tout cas, ça doit valoir le coup tout ça. Ouais, je sais plus ce que ça avait donné. Très honnêtement, j'y étais pas et je me rappelle plus trop des échos. En tout cas, j'aime bien son disque, côté flow un petit peu nonchalant comme ça, un peu détaché. T'es pas vraiment sûr qu'il a envie d'être là, qu'il a envie d'être derrière le micro. Tu te demandes un peu s'il est vraiment avec nous ou s'il pense à autre chose. Et puis en même temps, il y a ce côté qui accompagne volontiers là, espèce de grime électronique très aérien, un peu la Jimmy XX que j'aime bien. Ouais. Très, très très chouette. On va se quitter avec Dalglish. Dalglish, c'est un des pseudos du gars qui s'appelle Chris Douglas, qui est ça doit être un Amerlock celui-ci. En tout cas, je sais qu'il traînouille du côté de Berlin lui aussi. La dernière fois que j'y étais, il jouait quelque part dans un squat à Neukölln sous le nom de OST, qui est son pseudo. Entre guillemets, le plus connu avec lequel il a sorti le plus de productions, notamment chez Phtalo, un label que j'ai beaucoup suivi. Emanate aussi, un label IDM qui a eu sa petite heure de mise en lumière à l'époque du tournant des années 2000. Et puis, il avait sorti aussi des disques sous le nom de Rook Valard. J'avais adoré certaines de ses productions sur le label anglais Warm Interface. Voilà, donc c'est pas un nez de la dernière pluie. Né des derniers synthés et de la dernière pluie électronique. Dalglish, c'est son projet, un petit peu à la schématique, tu vois, ce label de Miami, avec des rythmiques un petit peu malléables, élastiques, spongieuses parfois, des sonorités très entre micro et macro, tu vois. Parfois on est dans l'ornitho, parfois on est dans l'entomologie, on sait pas trop. C'est très organique en tout cas, et puis et beaucoup de stridulations comme ça, des battements d'ailes, enfin tout est évidemment complètement synthétique, c'est des impressions, des sensations machine qu'on peut avoir, et puis avec des ambiances très abstraites qui contrastent justement avec le pouvoir très évocateur des aspects dynamiques et rythmiques, plutôt clair-obscur comme ça. Enfin, en tout cas, c'est un beau disque dont je me garderai bien de vous donner le nom parce que c'est difficile à prononcer. C'est sorti chez High Point Low Life et Et un autre label qui s'appelle Label, dis donc. Record Label Records, ça c'est très très bon. Record Label Records. Et High Point Low Life, c'est sorti courant 2011 au Royaume-Uni. On s'écoute Dalglish pour terminer cette émission. À bientôt. Très très bientôt, bon, monsieur Melon. Bonne soirée, bonne nuit. Merci. Bonjour. À David. Très belle journée, le soleil est avec vous. Bye bye.